toute seule. As-tu déjà été quelqu'un de seul, aussi seule, toute seule, comme cette fille qui se balade seule, tellement seule. Ne vois pas la rue, les couleurs, traîne les pieds dans les feuilles et qui pleure. Été quelqu'un de seul, aussi seul, toute seule, cette fille qui se balade seule, tellement seule, face à côté de tant de bonheur, qu'elle n'a pas vu simplement parce qu'elle pleure. Oh. Cette fille qui se balade seule, tellement seule, ne sait pas qu'un poussin perdu, tout comme elle, attend une main tendue.